Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans notre émission La Voix de la Région, on parle à la rencontre d'un artiste de la scène reggae régionale, donc de son nom de scène, Momistic. Chanteur, compositeur, il diffuse une musique pleine d'énergie et de positivité. Noir des projecteurs, mais riche en authenticité. Voici devant moi Momistic. Bonjour et bienvenue. Yes, bonsoir, ça va ? Bah, ça va super bien et toi ? Yes, bonjour à tous les auditeurs de Fadjet déjà. Alors Momistic, donc, tu es chanteur de reggae. Exactement. Donc pourquoi ce nom de scène Momistic ? Est-ce qu'il y a une signification derrière un parcours ? Alors depuis mon enfance, on me disait très petit que j'étais très, très mystérieux, très mystique. Et il y avait un artiste de rap qui s'appelait Mystic à l'époque, qui faisait du rap. Et c'était un artiste que j'aimais beaucoup. Donc j'ai gardé le Mystic pour un hommage à cet artiste. Et en même temps, le mot en créole mauricien, ça veut dire moi. Et moi, Mystic, ça veut dire comme chantait Bob Marley, le Natural Mystic. Et ben, on fait tous partie de ce naturel mystique. Donc le nom, il est venu comme ça. La mode reggae, tout simplement. Exactement. Moi, Mystic. Ouais, voilà. Le nom spirituel du terme. Exactement, reprendre le schéma de ces gens, en fait. Donc, tu es venu accompagné de ta compagne, c'est exactement. Ça ? Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'elle peut se présenter, ta compagne ? Oui, je m'appelle Saïmar Fawi. Je suis la compagne de mon mystique depuis 6 ans. Je le vois travailler tous les jours à écrire ses morceaux, à être authentique et passionné et déterminé. Donc, une fierté quelque part ? Oui, oui, une grande fierté. De voir son conjoint donc évoluer ouais. Dans la chanson. Comment il travaille, comment il écrit, comment il fait le yaourt, il a une belle plume aussi. Donc, c'est intéressant hein, de voir, il y a un travail en amont et un vrai travail derrière. Exactement. Et on ne voit pas forcément le travail qu'il y a derrière une composition de reggae. C'est vrai. On va se mettre dans le bain avec une première musique que tu as composée. Ok. Donc Le Pays va mal, c'est ça ? Ouais, Le Pays va mal. Alors on écoute et on débriefera après. Ok. Inflation, c'est la misère. Corruption de partout. Viol d'enfants dans les partout. C'est le monde qui est pas mal. Qui s'engouffre dans cette faille. Dressés comme des vampires. Je ne serai pas leur cobaye. Tout est planifié. Leurs signes sont codifiés. S'adresse à toi le nez chargé. Mettre nos vies en danger. Nourriture, médecine empoisonnée. Pour une vérité, combien d'emprisonnés? Tendez ou pas tendez? Vois-moi comme un rebelle. Un homme debout et sans chaîne. Laisse-moi en marge du système. Dirigé par ces inhumains. Normal que le pays va mal. Que le pays va mal. On a une euro par mon destin. Normal, sauvage reste l'animal. Sauvage reste l'animal. Pas besoin de me faire un dessin. À croire que pour vous tout ça c'est normal. Tout ça c'est normal. La preuve le 49-3. Nous ne sommes jamais entendus quand on parle. Quand on parle, ouais, quand on parle. Le peuple en a marre, mais chaque jour tu le frappes. Profond et ce cauchemar, trop d'épreuves, ouais. D'étapes. Combien de morts et tant de blessés pour que rien ne change. Toutes ces lois profitent à qui tout ça chie bien ni tranche. Le peuple en a marre de sa sueur qu'on taxe. Depuis trop longtemps, ils inversent les places. Pfizer, get fier d'être anti-vax. Lève le poing, si t'es comme moi, ils devront nous faire face. Dis-leur qu'on est rebelles, qu'on a brisé les chaînes. Dis-leur qu'on est rebelles, en marge de ce système. Dis-leur qu'on est rebelles, qu'on a brisé les chaînes. Dis-leur qu'on est rebelles, en marge de ce système. J'ai passé inhumain, normal que le pays va mal. Que le pays va mal. On a une euro par mon destin. Normal, sauvage reste l'animal. Le 49-3. Nous ne sommes jamais entendus quand on parle. Quand on parle, ouais, yes, quand on parle. À bord Emmanuel, c'est une spéciale pour toi. le pays va mal. Que le pays va mal. En main, ils n'auront pas mon destin. Normal, sauvage reste l'animal. Sauvage reste l'animal. Pas besoin de me faire un dessin. À quoi que pour vous tout ça c'est normal. Tout ça c'est normal, c'est normal. La preuve le 49-3. Nous ne sommes jamais entendus quand on parle. Quand on parle, oui, quand on parle. Le pays va mal, donc de mots mystiques. On entre bien dans ton univers, là, ça se ressent. Avant de présenter ton parcours et dire qui tu es, qu'est-ce que ça t'inspire? On va commencer par Salma, du coup, par vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il dit la vérité. Il observe beaucoup, il analyse beaucoup et il transmet ses pensées à travers sa plume, en fait, à travers sa musique. Alors, en plus, surtout, ce morceau, il a été écrit au moment, quand je suis revenu de l'île Maurice, et qu'il y avait l'histoire des Gilets jaunes en France. Avec Elisabeth Borne du 49-3, il y avait tout ça, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et c'était une suite de mon morceau qui s'appelle Ne craque pas, justement. C'était poursuivre encore et parler du système, parler de la société, on va dire, de ce qui se passe réellement. Et le climat, il est très anxiogène en ce moment, donc c'est un morceau qui... C'était pour réveiller les consciences, en vrai. Donc c'est une forme de revendication pour toi, donc plutôt sociale. Exactement, ouais. Donc ça a fait 1000 vues, si je ne me trompe pas, sur YouTube, ouais, notamment. C'est ça. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ce clip? Ouais, des retours, oui. Après, c'était un moment où je revenais un peu sur les réseaux. Donc, ce morceau, pour moi, il est passé encore inaperçu. Dans le sens où, vu que j'ai eu 7 ans d'absence, il fallait que le public revienne dessus. Donc, c'est vrai que c'est un morceau qui est, pour moi, qui demandera encore aujourd'hui de se faire entendre. De se faire entendre, et c'est vrai que c'est important. On a tendance à demander la parole, c'est ça. On n'est pas assez entendu dans le milieu de la chanson. C'est vrai. Et montrer un peu son implication, comme tu le fais dans tes créations, c'est important. Ouais. Et par rapport à ton parcours, par rapport à qui tu es, est-ce que tu peux te présenter en Alors quelques moi, mots mon parcours, c'est... ça fait 20 ans que je fais de la musique. J'ai commencé très jeune, je crois que j'ai commencé à écrire à partir de l'âge de 11 ans. C'était une forme pour moi de thérapie. Avec les rencontres, les échanges, on va dire, artistiques, tout ça s'est formé, on va dire. Et c'est devenu mot mystique. Donc ça a commencé dès l'enfance, en fait, une vraie passion qui est née. Oui, voilà. Ouais. Et c'est une passion, donc... J'avais de la famille qui était très musicien. Donc j'ai été bercé par eux qui jouaient de la musique. Et j'ai essayé les instruments et c'était quelque chose qui n'était pas de mon accord, vu que je suis quelqu'un qui est très impatient aussi. Donc la voix, c'était quelque chose qui sortait directement, naturellement. Et puis le fait de pouvoir écrire et mettre ses émotions sur feuille, pour moi, c'était ma thérapie. C'était le truc qui m'attirait le plus, en fait. Une façon de te libérer. Exactement, ouais. Et de t'émanciper. Ouais, c'est ça. Vers l'écriture et l'art, forme d'art, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et t'as la fibre artistique, donc tes parents, tu m'as dit que tes parents étaient dans ce milieu-là, de la chanson. Mon père jouait de la musique, oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta famille, tes parents? J'avais des cousins à moi qui étaient dans un groupe. Donc, ils jouaient de la musique traditionnelle de chez moi, le ségué, le séga. Et après, moi, j'ai découvert la musique par le rap au départ. J'écrivais du rap. Et puis, petit à petit, j'étais quand même attiré plus sur ce qui était musical et mélodieux. Donc, forcément, ça m'a poussé à essayer de chanter, à essayer de mettre des notes. Et... Tu es nancéen aussi? Oui, nancéen, ouais. Et bien Nancy, ouais. Par rapport à l'île Maurice, du coup, tu y vas souvent? Justement, là, je vais partir dans 2 semaines à peu près. Donc, le climat te choque pas trop à Nancy? Si, un petit peu. Si, c'est un petit peu la pluie, le froid surtout. Le froid, donc la grisaille, mais bon. Ouais, c'est ça. On n'a pas Stanislas, on a des beaux coins. Non, et c'est une belle ville après. On est dans une belle ville, malgré tout. On a l'habitude, c'est une belle ville, hein. Original Steinemann, mon mystique pond des mic. Et on est en direct sur Fadjet. Et c'est la voix de la région. Ah bon? Alors on crée un monde meilleur ensemble, ça fait. Viens, on crée un monde meilleur, toi et moi. Sans violence et sans guerre, ouais, j'y crois. Tout ça n'est pas qu'imaginaire, réveille-toi. Ici, la vie est trop chère, il faut qu'on stoppe ça. Viens, on crée un monde meilleur, toi et moi. Sans violence et sans guerre, ouais, j'y crois. Tout ça n'est pas qu'imaginaire, réveille-toi. Ici la vie est trop chère, il faut qu'on stoppe ça. Oh, eh. À quoi que c'est trop dur aujourd'hui de se rassembler. Je vois que c'est plus simple de se diviser. Noyé par tant d'infos, ils mentent à la télé. Manipulé et ça depuis des années. Ils aiment nous mettre en conflit. Nous taxent les prix, ils aiment gonfler. J'ai pas choisi le mode survie. Mais pourtant je me sens si essoufflé. Alors éveille-toi, ne te trompe pas d'ennemi. Non, pas dormi, mettre les miens dans où l'esprit. Alors éveille-toi, ne te trompe pas d'ennemi. Ouah, viens on crée un monde meilleur, toi et moi. Sans violence et sans guerre, ouais j'y crois. Tout ça n'est pas qu'imaginaire, réveille-toi. Ici la vie est trop chère et faut qu'on stoppe ça. Viens on crée un monde meilleur, toi et moi. Sans violence et sans guerre, ouais j'y crois. Tout ça n'est pas qu'imaginaire, réveille-toi. Ici la vie est trop chère et faut qu'on stoppe ça. Les rues sont pleines de cris, là où l'espoir s'efface. Mais ensemble on peut bâtir, bâtir une nouvelle place. Traverser les tempêtes et tout ce qui nous menace. Il est temps d'élever nos voix, de dire ce qu'on pense tout bas. À ceux qui sont là-haut, qui s'amusent avec nos vies. Nous poussent vers le chaos, mais qui contrôlent cette folie. Ça fonctionne à chaque fois, car tout est dur aujourd'hui. Alors cultivons ensemble cette vision d'un autre récit. Ouais. Alors éveille-toi, ne te trompe pas d'ennemi. Non, pas dormi, mettre les miens dans où l'esprit. Alors éveille-toi, ne te trompe pas d'ennemi. Ouah, viens on crée un monde meilleur, toi et moi. Sans violence et sans guerre, ouais j'y crois. Tout ça n'est pas qu'imaginaire, réveille-toi. Ici la vie est trop chère, il faut qu'on stoppe ça. Viens on crée un monde meilleur, toi et moi. Sans violence et sans guerre, ouais j'y crois. Tout ça n'est pas qu'imaginaire, réveille-toi. Ici la vie est trop chère, il faut qu'on stoppe ça. Oh, eh. Viens on crée un monde meilleur, toi et moi. Sans violence et sans guerre, ouais j'y crois. Tout ça n'est pas qu'imaginaire, réveille-toi, réveille-toi. Et sur Fadjet ça fait ah bon. Parce que ça, ça va être sur l'album. Donc ça c'est vraiment exclu. C'est que des exclusivités que je vous fais là aujourd'hui. C'est un album qui va sortir au mois de janvier, fin janvier, avec 13 morceaux. Donc on vous donne juste des petites démos. Faudra écouter la suite après. T'as une belle voix. Yes, merci. Donc tu as pris des cours de chant. Même pris... pas, autodidacte. Autodidacte, ouais, vraiment autodidacte. Ouais. Et cette chanson, ça te prend au trip, ça te prend à cœur. Ouais, justement, oui, bien sûr. Tu émets des émotions. Ouais, bien sûr. T'as voulu dénoncer quelque chose en particulier dans cette chanson, les décisions politiques surtout les décisions politiques qu'on a en ce moment avec le gouvernement. Donc je pense après c'est des sujets un peu sensibles, mais c'est pour dire que voilà, on est dans un système aujourd'hui où les gens ont du mal à finir les fins de mois. Et justement, et même, c'est même pas que les fins de mois, c'est je trouve qu'on est dans un système où on nous divise tellement par beaucoup d'informations. Et qui fait qu'on peut avoir les mêmes idées parfois et les mêmes envies, mais on est tellement divisé par plein de choses qui fait que des fois on a du mal à se rassembler. C'est ce que je dis au début du morceau. Je pense que si on arriverait à faire un petit effort, chacun entre nous, déjà on pourrait avoir ce monde un peu meilleur, comme je dis dans ce morceau en vrai. Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel de la culture reggae? Est-ce que tu sais un peu des origines? Donc le reggae est venu avec le rastafarisme, avec tout ça, qui est venu dans l'ancien en fin de compte. Alors les instruments qu'on entend dans le reggae, c'est plutôt acoustique, donc on a du banjo, tambour à main, ouais. Boîte à rumba, flûte de bambou et plein d'autres instruments. Oui. C'est l'instrument quand même qu'on a peu l'habitude d'entendre. Exactement. Mais qui rajoute un charme à cette mélodie en fait. Ouais, c'est ça. Et dans les années 70, le reggae devient international, notamment grâce à des artistes comme Bob Marley. Je ne citerai pas Bob Marley en premier, j'irais vraiment aller au cœur même du truc, c'était Lee Scratch Perry, qui était vraiment fondateur de ça. Puis après, il y a eu Tools and the Metal, Peter Tosh. C'est pour ça que je dis Bob Marley a mis en avant le côté reggae, mais il y a eu beaucoup plus de fondateurs de ce style de musical, on va dire. Et ça t'inspire? Tu t'inspires de ces artistes-là? Moi, maintenant, on va dire. Je pense que l'inspiration, c'est bien pour commencer, mais après, je pense qu'il faut venir avec sa propre vision du truc, en fait, pour vraiment créer son mouvement à soi-même, en fin de compte, tu vois. Parce que moi, je pars du principe de Lynn Morris, où que nous, on a eu un artiste qui s'appelle Kaya, qui suivait le mouvement, le Sega, et lui, il a mélangé le Sega avec le reggae, il a appelé ça Sega, en fait. Et puis aujourd'hui, c'est un courant musical qui est dans l'océan Indien. Et je me dis, justement, c'est un peu ça l'exemple. C'est qu'on peut encore fusionner plein de choses et pouvoir aller dans plein de styles. Donc moi, je fais du reggae. Je sais que je mélange beaucoup de styles dans mon répertoire, on va dire. Donc tu as ta propre identité dans ce monde de reggae, en fait. Exactement, ouais. T'as une plume. Chacun a sa plume. Les journalistes ont leur plume. T'as ton style. Et en France, en Europe, du coup, c'est arrivé en Europe assez tôt, finalement. Oui. Donc par l'immigration. Par l'immigration, c'est arrivé par l'Angleterre. Si on prend vraiment le schéma, le reggae a vraiment été mis en... Déjà même a été découvert en Angleterre. Donc ça vient beaucoup des Anglais. Donc il y a eu beaucoup d'Anglais après qui sont venus en France et qui ont ramené cette culture ici en France. Donc avec Tonton David, plein de gens qui sont arrivés dans le milieu. C'est eux qui ont vraiment lancé ce courant musical ici en France. Et ça a été beaucoup emmené par des Guyanais, en fin de compte. Le reggae, ici en France, a été beaucoup mis en place par des Guyanais, en fait. Donc, c'est venu, justement, même jusqu'en France aussi, donc par le festival, notamment Reggae Sun, Sunska. Sunska, donc festival à Pauillac. Exactement. Qui a rassemblé 800 000 entrées. Oui, oui, c'est le plus grand festival qu'il y a ici. Festival de reggae. Ouais. Donc, il y a, voilà, qui montre un peu l'importance du reggae en voie d'expansion, finalement. Exactement, oui. Donc, c'est en train d'évoluer et... Il y a des artistes reconnus, enfin reconnus, et j'espère que tu participeras au festival de NJP. Je sais pas si tu connais. J'espère. J'ai vraiment envie de pouvoir participer à ça parce que je trouve qu'il y a un problème avec les artistes locaux, c'est qu'on leur donne pas assez de support pour pouvoir s'exprimer, alors que il y a beaucoup d'artistes locaux qui sont sortis de la ville, qui ont eu la chance de jouer sur des grands plateaux. Moi, je vais pas te mentir, j'ai joué sur le Zénith de Paris, j'ai joué au Divan du Monde. J'ai joué sur la scène Bastille de Paris et je trouve ça dommage d'avoir fait ces scènes-là et de ma propre ville ne pas avoir cette confiance de pouvoir avoir l'accès à des grandes scènes ici ou des premières parties même reggae et, dans le coin en fait. Dans cette partie reggae, est-ce que toi, quand tu composes tes chansons, quand tu participes à des événements, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es accompagné d'une équipe? Non, je suis accompagné d'un DJ la plupart du temps, et là je suis en train de monter une formation avec un band, donc batteur, guitariste, bassiste, pianiste, on est en train de monter ça là. Jamais craquer. Sois vigilant à ça, ce système veut nous pousser. trouver le danger. Surtout ne jamais craquer. Sois vigilant à ça, ce système veut nous pousser. Ne les laisse pas t'emporter. Alors méfiance, crois-moi, de partout vient le danger. Surtout ne jamais craquer. Sois vigilant à ça, ce système veut nous pousser. Ne les laisse pas t'emporter. Alors méfiance, crois-moi, de partout vient le danger. Jamais craquer nos man. Restez vigilants. Yo man, one love, peace and unity. Le combat continue et on lâche pas. Right? Again and again and again and again and again. Ne craque pas, c'était sur Radio Fadjet. Donc tu affirmes être vigilant avec ce système qui nous pousse vers le danger. Là, on est en 2025, ce morceau-là, il a 12 ans, je pense, à peu près. Je me rends compte que 12 ans après, on est toujours dans le même schéma, et encore pire, donc je pense que le message, il était déjà clair dans ce que je voulais faire transmettre, et que je me rends compte que 2025, on est encore en plein dedans, et encore pire, avec les guerres, avec plein de choses qui se passent aussi. Donc, voilà. Alors, dans le clip, on voit des images de synthèse sur Nancy, un petit peu, Place Carnot, Place Carrière. Ouais. Et notamment Place du Marché. Le clip a fait plus de 100 000 ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est à 117 000 ou un truc comme ça. Très significatif comme augmentation. Tu me disais donc tout à l'heure, au tout début, en off, en aparté, que tu étais investi dans plusieurs projets, tu as fait plusieurs concerts, plusieurs scènes hein, dans toute la France. Est-ce que tu peux en parler, m'en dire plus sur cet engagement? Bah justement, j'ai eu la chance de je vais reprendre dès le début, c'est vu que Lynn Morris dans le reggae français, c'est vrai qu'on le connaît moins, on connaît beaucoup la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Jamaïque, et c'est vrai que Lynn Morris c'était encore un continent qui était très peu connu, ou qui avait pas d'artiste aussi officiel qui était en France qui développait ça. Donc j'ai eu pas mal de chance grâce à ça, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes, on va dire notamment dans le reggae français, et ça m'a permis de pouvoir évoluer sur des grandes scènes, dont le Zénith de Paris, le Divan du Monde, la scène Bastille. J'ai joué sur des grands festivals à Bordeaux, j'ai tourné pas mal en France, j'ai même joué jusqu'en Angleterre, j'ai joué en Hollande, Belgique aussi. J'ai eu pas mal de portes ouvertes grâce à ça aussi. Dont les festivals aussi, qui me demandaient beaucoup aussi, le Reggae Sunska, qui m'ont beaucoup approché à une époque pour pouvoir jouer aussi dans leur festival. Juste à ce moment-là, c'est que j'avais pas encore d'album, j'avais pas encore de formation bande pour pouvoir y prétendre. Donc ça s'est attendu, j'ai attendu, jusque-là maintenant, aujourd'hui, avec l'album qui va arriver au mois de janvier. Je pense que 2026, il y aura pas mal de grandes surprises et de grandes choses qui vont se passer. Donc 2026, un album assez complet finalement. Exactement. De tes créations. Oui, voilà. Même aujourd'hui, autour de toi, est-ce que tes proches, par exemple, ont conscience de ce que tu fais? Quel retour tu as de tes proches? Oui, aujourd'hui, oui, j'ai... après, les proches, c'est un peu plus dur parce qu'on est dans un milieu, on va dire, c'est artistique, qui est un peu décalé par rapport aux gens normaux qui vont aller au travail, qui vont aller dans ce chemin-là. Donc c'est un peu compliqué familialement de faire comprendre aux gens que c'est ça notre direction et que c'est ça le chemin qu'on a envie de prendre nous. Même que ça soit hors famille, hein, je veux dire, c'est très compliqué. Mais on va dire aujourd'hui, ça se passe bien dans le sens où que quand t'es sûr de ce que tu veux faire et que tu veux aller au bout de ton truc, pour moi, il n'y a aucune autre opinion qui pourrait bloquer ça, en fait. Rien n'est possible, juste... Voilà, c'est juste après, passions, je pense, ouais, voilà, c'est juste la passion. Et puis après, comment tu emmènes ton truc, en fait, tu vois. Je pense qu'il fera la différence. Donc ta passion, ça a amené à séduire du coup Salma, c'est ça? Exactement. c'est comme ça que du coup vos chemins, vos destins se sont retrouvés, se sont unis pour... Oui, c'est ça. Personnellement, j'adhère à tout ce qu'il écrit, à ses pensées. Bon, souvent, on n'est pas tout le temps d'accord par rapport aux opinions, mais ça fait, ça crée le débat, ça crée les différentes pensées, différentes perspectives. Je suis fière de lui parce que voilà, il vient de loin, de très loin même, et il s'accroche. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup joué depuis qu'on s'est connu, qu'il a énormément de potentiel. Pour tous les nouveaux artistes ou les gens qui voudraient se lancer dans l'artistique, que ce soit de la peinture ou quoi, c'est d'aller jusqu'au bout et de croire vraiment à ce que tu es en train de faire, en fait. Et où on peut te retrouver, par exemple, si on voudrait écouter tes créations? Sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. Là, ça va arriver sur Spotify aussi. Donc on tape Momystik et on te trouve. Voilà, Momystik. M-O-M-Y-S-T-I-K. Et donc, mot, espace, mystique. Ouais. Et dans, ouais. Après, si même les gens ils veulent aller sur Google, il y a encore plein de choses. Il y a plein d'articles, plein de choses comme ça à découvrir aussi.